Quand on tourna au coin du village, on aperçut quelqu'un marchant de long en large sur la route. C'était l'abbé Tolbiac qui semblait guetter ce départ. Il s'arrêta pour laisser passer la voiture. Il tenait d'une main sa soutane relevée par crainte de l'eau du chemin, et ses jambes maigres, vêtues de bas noirs, finissaient en d'énormes souliers fangeux. Jeanne baissa les yeux pour ne pas rencontrer son regard, et Rosalie, qui n'ignorait rien, devint furieuse. Elle murmurait « Manant, Manant !» Puis, saisissant la main de son fils, « Fichez-y donc un coup de fouet !» Mais le jeune homme, au moment où il passait contre le prêtre, fit tomber brusquement dans l'ornière la roue de sa guimbarde lancée à toute vitesse, et un flot de boue, jaillissant, couvrit l'ecclésiastique des pieds à la tête. Et Rosalie, radieuse, se retourna pour lui montrer le poing, pendant que le prêtre s'essuyait avec son grand mouchoir. Ils allaient depuis 5 minutes, quand Jeanne soudain s'écria « Massacre que nous avons oublié !» Il fallut s'arrêter, et Denis, descendant, courut chercher le chien, tandis que Rosalie tenait les guides. Le jeune homme enfin reparut, portant en ses bras la grosse bête, informe et pelée, qu'il déposa entre les jupes des deux femmes.